L'horloge à ses débuts était de par sa nature plus qu'une cadence sonore, une cadence visuelle du temps, tant elle était délicate dans l'articulation des mécanismes infimes de son balancier. L'éveil de notre temps. Thank you.